c'est pour mon ange gardienne. Similaire à des milliers d'étoiles en pléthore, au voile de l'air, je fus lié par elle, éternel météore. Quand mes torts étaient ma raison, elle, gardienne solennelle, mienne, où l'amour maternel est un Éden en floraison. Tel Andromaque sous la rage et les injustices, toujours digne en interstice, son courage m'estomac. Les parcs sans tristesse sectionnent nos destinées, affectionnent l'être estimé. Quelle remarque avec justesse, le bouclier se confectionne. On fonctionne avec des ailes, c'est les souliers qu'on sélectionne. Le futur nous fait du zèle, bien plus d'une once de connaissance et d'ouverture. Ses vertus, une couverture, mes sens étaient dans les ronces, empreinte de pureté. Tel Ariane, elle reluit, avec ses filigranes je fuis mon labyrinthe avec sûreté. Ma dureté s'est résolue dans la rareté de nos étreintes, où la beauté de ses teintes semble ôter de l'absolu. Rien d'un complexe d'Oedipe, mais des remords dans mes remparts. Jamais perplexe quand ses principes m'escortent de part en part. Si les heures s'emparent de nos liens et puis les emportent, je viens pour elle et repars, qu'elle retienne ce que mon cœur porte. Rien d'un complexe d'Oedipe, mais des remords dans mes remparts. Jamais perplexe quand ses principes m'escortent de part en part. Aux portes de mon Olympe, régence de ma maternité, dès lors lui déclare pour faire simple allégeance pour l'éternité. Telle Diotime annonciatrice, ici les muses ont hurlé pour son estime, mes cicatrices. Je m'amuserai à les brûler assis aux alentours du Styx, sous les yeux des damnés où sans retour sont les années. Je songe à sonner sous X, au détour d'un mensonge j'ai vu perler le mystère, sans parler ni se taire autour là où le silence ronge. Elle éponge mes pleurs quand mes malheurs s'allongent, c'est un ange qui plonge dans mes peurs quand la douleur s'y prolonge. Rude est l'existence, elle m'a dit d'en boire son nectar. Peu prude, j'ai mis des distances à mes déboires car il est tard. Terrestre est l'attraction, mais sa dévotion est vaste. Mes émotions me dévastent et restent sans soustraction. Talon d'Achille, quand dire je t'aime me congédie, c'est le thème, ma seule tragédie. Sans le talent d'Échille, nonchalant presque de pierre, subjugué, peu démonstratif, conjugué à l'impératif. De moi qu'elle soit fière, rien d'un complexe d'Oedipe, mais des remords dans mes remparts. Jamais perplexe quand ses principes m'escortent de part en part. Si les heures s'emparent de nos liens et puis les emportent, je viens pour elle et repars, qu'elle retienne ce que mon cœur porte. Rien d'un complexe d'Oedipe, mais des remords dans mes remparts. Jamais perplexe quand ses principes m'escortent de part en part. Aux portes de mon Olympe, régence de ma maternité, dès lors lui déclare pour faire simple allégeance pour l'éternité. Peu d'embrassades dans nos royaumes respectifs, l'absence de feu sur ma façade, un caractère introspectif. En somme, trop peu d'aisance à terre, en sous-effectif de mon cratère affectif, ces psaumes en sont l'essence. Gardien des limbes dans le plus profond de l'étrange, lorsqu'au fond mon crâne se mélange, le sien est décoré de nimbes. Rien à redorer, sous la couronne boréale, elle trône sur mon idéal et son féal est aloré. Elle est un refuge bien plus qu'une protectrice. Ce texte un subterfuge car 9 mois dans sa matrice. Sous une chape lunaire, un prétexte, une carapace. Quand je m'échappe, quand me dépasse tous les mots de ce millénaire. Authentique, mais j'évite le débonnaire. Par honneur, invite le tonnerre à lui chanter mes cantiques. Sous mon air désenchanté, du respect, de l'admiration. Ma prunelle, ma respiration, paix sur celle qui m'a enfanté. Rien d'un complexe d'Oedipe, mais des remords dans mes remparts. Jamais perplexe quand ses principes m'escortent de part en part. Si les heures s'emparent de nos liens et puis les emportent, je viens pour elle et repars, qu'elle retienne ce que mon cœur porte. Rien d'un complexe d'Oedipe, mais des remords dans mes remparts. Jamais perplexe quand ses principes m'escortent de part en part. Aux portes de mon Olympe, régence de ma maternité, dès lors lui déclare pour faire simple allégeance pour l'éternité. Allez.